c'est uniquement dans Emergency Pop. Ah yeah! Breakdown! Emergency Pop. Merci pour l'invite. Et vous êtes sur Radio Diwa 105.5 FM. Et c'est Emergency Pop. Volume 2. Dédicace Suisse, Belgique, France. MC Beatmaker. C'est l'émergence du rap LT. The DJ is a clown. Volume 2. Ça, c'est uniquement dans Emergency Pop. Volume 2.